Ouais, salut mec, tu sais pas où que je peux trouver Galgier? C'est ouais, t'es qui? Ouais, c'est LSK, j'ai rendez-vous avec. Vas-y, je vais le chercher. Gros! Ouais! Quelqu'un pour toi? Bon, ok, vas-y là, je descends là, je descends. L'ousti commence à voir gros, t'as vu, je varie. Fais péter le 11 poteau de Boulogne jusqu'à Paris. Ici mon gars c'est noir, tous mes gars sous flash. Quand un cœur se fait ken, tous mes gars sont flars. Y'a pas de taf ici, à part vendu tard. Pas d'amour dans ma zone, pour ça nique les tasses. Ça pue les enquêtes, nos tels se écoutent. Si Paname sous les bombes, Boulogne sous les douilles. Difficile de vivre sous les grosses tempêtes. C'est le chant des voyous, pas de grosses trompettes. Territoire hostile, n'oublie pas le gilet. Les barbares traînent dehors avec des gilettes. Un pied sur le mur et l'autre sur la terre. Pour un œil de travers, mec, ça pète la tête. Ça n'est pas la fête, mais la vie des faits. Je figure dans un film où y'a pas d'effet. C'est un pour nos rues, deux pour les portes. Motherfucker bitch, motherfuck tous les poids. J'vous pas à écouter, mettez vos capuches. Du lourd pour nos têtes, c'est la voix les crapules. C'est un pour nos rues, deux pour les portes. Motherfucker bitch, motherfuck tous les poids. J'vous pas à écouter, mettez vos capuches. Du lourd pour nos têtes, c'est la voix les crapules. Ouais, j'ai pas mal zoné, le micro, j'l'ai pas mal goumé. On m'a dit que c'était le pas de gamme parce que c'est le pas de calé. Comme à Paname, y'a pas de câlin, ici les vieilles n'arrêtent pas de râler. J'ai bougé sans mon équipe, et toi même tu sais que c'est plus fort que du liquide. Alors des fois, je repense à ma clique dans le nord et leur éthique. Maïdan, si je suis mal ici, je te l'aurais dit. Paname, premier coup de feu, tout le monde ready. Rassemblement de casquettes, tous suissés sur nos baskets. Si t'es pas du quartier, viens pas me regarder. Je te conseille même de t'écarter, car mon cartel viendra pas t'épargner. Eh, Galgier, j'ai du mal avec l'accent ch'ti. Mais bon, je reste pas absent sur le MIC. J'ai vu qu'il y avait des connexions. Chaban, les tiennes, tu peux te les foutre dans le fion. 7-8, on n'aime pas être jugé. De façon égagée, je sais que t'es pas le genre de mec à critiquer mon QG. C'est un pour nos rues, deux pour les portes. Motherfucker bitch, motherfuck tous les poids. J'vous pas à écouter, mettez vos capuches. Du lourd pour nos têtes, c'est la voix les crapules. C'est un pour nos rues, deux pour les portes. Motherfucker bitch, motherfuck tous les poids. J'vous pas à écouter, mettez vos capuches. Du lourd pour nos têtes, c'est la voix les crapules. Les potos, parle-moi de Paname, capitale de France. Bien connu pour ses têtes, ses braquages de banque. Ok, je fais partie de ces clichés légèrement abusés. Des jeunes, un quartier, une délinquance accentuée. Mais bon, on est plus de sang dans l'axe à vouloir tuer. Quand y'a une descente de porc et de poulet. Les bracos, mon pote, c'est du carré. Au murau, les directeurs d'agence sont saturés. Et dans le nord, comment que ça se passe? C'est de la tuerie. Est-ce que c'est similaire par rapport aux banlieues de Paris? Y'a peu de différence, y'a des braches partout. Des braqueurs, des dealers et des passes partout. Fada sont les mômes, partout c'est la même. Si le bloc fait des morts, c'est que ça pue la guerre. Guerrière urbaine, pour cause de pavure. Si ton pote pèse un keuf, t'inquiète, j'ai rien vu. C'est un pour nos rues, deux pour les portes. Motherfucker bitch, motherfuck tous les poids. J'vous pas à écouter, mettez vos capuches. Du lourd pour nos têtes, c'est la voix les crapules. C'est un pour nos rues, deux pour les portes. Motherfucker bitch, motherfuck tous les poids. J'vous pas à écouter, mettez vos capuches. Du lourd pour nos têtes, c'est la voix les crapules. Bah voilà mon pote, on a fait le tour de tout. T'es présenté à mes crapules, l'ambiance du nord. J'espère que t'as kiffé. Ouais si si, je m'ai kiffé. En tout cas ça a rien à voir avec ce qu'on dit. A toi même, tu sais, de toute façon maintenant t'es le bienvenu. A plus tard mec.